J'ai une plante qui est morte de la grippe du poulet. J'ai une plante qui est morte de la grippe du poulet. J'ai une plante qui est morte de la grippe du poulet. À mon tir, dit-il, trop de canards de l'élevage sont brutalement morts. Nous avons creusé. J'ai une plante qui est morte de la grippe du poulet. Nous allons y enterrer cet après-midi les 126 survivants, selon les normes de sécurité. La chaux autour du trou, de l'essence pour brûler les bêtes, puis une deuxième couche de chaux. Des millions de volailles ont été abattues au Vietnam depuis que l'épisotomie a eu. De la santé, selon laquelle toute volaille doit être abattue dans un rayon de 3 km autour d'un foyer d'infection, avait été adoptée. La semaine dernière, le gouvernement a interdit le transport et la vente des volailles. Nous sommes informés de toutes ces mesures, dit Paul. J'ai une plante qui est morte de la grippe du poulet. Une réunion d'urgence doit rassembler lundi 16 février à New Delhi. Les représentants des sept pays.